encore. Dis-moi si je compte encore. C'est évident, ils sont contre nous. Et ils ne veulent pas de nous. Et si t'arrêtais de nourrir tes doutes, qu'on vive simplement pour nous. Et si on visait la lune, oh, oh. Chérie, t'en vas pas, reste avec moi. T'es la seule qu'il me faut, qu'il me faut. To fall.